You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment va tout le monde? Eh ben, ça va bien. Welcome back, Freddy. Thank you, thank you. How was Paris? Merci, merci. It was good. It was good. You sound like you're far away, like far away. Still in Paris. Yeah, I am still in Paris in my head. In your head, good. Well, I mean, I left and the weather here was cold, but while I was there, the weather here was sub-cold. And I was over there and... Lucky. So, and we had, actually, we had a great weather because, I mean, the cab driver told us as much, but it got confirmed by Romain and other people that before, it was just gray and cold and humid. And it's back to that. Yeah. It's like, today, back to gray. It's pouring in Paris. Oh, well, we totally missed on that because the first day we showed up, it was a bit gray, but very quickly, I mean, it was sunny and not raining and, you know, like temps were decent. I mean, like in the low 30s in the morning, mid 40s in the afternoon for the average. By the end, it was like almost 50, and you know that was great. Yeah. And by the end, that's what I was planning on. Like on the Friday, last Friday, I planned everything indoor, in order to make sure that you know it's not spoiled. So we had other days at the Eiffel Tower in the Notre Dame neighborhood and in like Versailles. All of this was when the weather was decent. I mean, not that we did much in Versailles because we stayed inside for the most part. We didn't go visit the garden because we were late. but Friday was totally indoor. We did like the Louvre without tickets. So we waited about half hour. Okay. No, not free, but without ticket. Timed. Bought in advance. Timed. Yeah. And it was only half hour to wait, so I was surprised and nicely surprised. Mm-hmm. But we had ticket for the catacombs after that, and after that we had ticket for the Pantheon. I'm sure you know had you gone off the beaten path in the Louvre, maybe you would have found like a passageway to the underground, you know. Passages that would have led you directly to the catacombs. It's a bit of a hike, though. I know. And he has to go across the river, so I'm not sure that... I am sure there's some catacomb pathways that goes under the river. Under the river, yeah. I'm pretty sure they are not open to the public. I didn't say that they were open to the public. No. I know you didn't. But I went with my girlfriend and... And you didn't want to map the catacombs? No. There's not there. Some, and for that. There are other people who are very good to do that, and I think that's fine by me. And I had not gone to the catacombs since like 2000, so it was like 25 years. I think the number of skeletons doubled since the last time you were there. I don't think so. They've been there for quite a while. Yes. Mostly 1700s. Yeah. I think the latest are like 1850 or 1880. That's when they were basically clearing out cemeteries, I think. They also had like a big input during the revolution because the revolution there was a lot of battles and things. So, right. I mean, at first they wanted to clear out some of the inside cemeteries that were around churches in the center of Paris, and like the Cemetery of the Innocents. I've seen the one of Saint-Eustache. But after that, that was mainly the revolution. Mm-hmm. And I also saw that some famous people were there, like Molière. Oh, yeah. And some others. The catacombs? Yeah. So yeah, that was I was surprised about it. I thought he was at Panthéon. Molière? Yeah. No, I don't think he is. I don't remember being him being there. Yeah. I mean, I don't remember all the names, but out of all the writers, I don't, or play writers. Mm-hmm. I don't know. I'll double check. Hmm. But yeah, so that was good. Turns out that on the first flight, I met Samir, mm-hmm. our friend Samir. I don't know if you know Samir. That's crazy. Romain knows Samir. Yeah. Oh, yeah. And Eric, who used to work at the Alliance Française. That's crazy. He was the cultural representative. He's in his 20s, and he's from Minnesota originally. And after the Alliance Française, he went to Chicago. And I mean, he's been with Delta, with Dominique Sanner. Mm-hmm. And he was on our flight, so he got to help me get drinks and stuff. So that was a nice surprise. And on the way back, I saw Jérôme, but at the immigration because the line was so long. Yeah. Like, thanks to the hardworking federal employees, but they were not enough. I mean, like, they were courteous and they did a good job. I no doubt on that. But for a full, we had a full flight, plus there were some groups, plus foreign passports. So that was dividing the number of employees that could be dedicated to U.S. and green card, U.S. passports and green card. So we waited an hour at MSP. Yeah. I know. Yeah. Well, it's not fun. No. Yeah. I know you know because you were waiting for us. I know. All right. Well, tonight is a special Black History Month. We've done one earlier in the month. The one just before the Valentine's Day. I think it was on the 4th, if I recall. Yeah. And we're going to do another one tonight with a lot of... there's a lot of variety. I mean, like, the first one was a lot about slavery and things like that. Tonight, there's going to be things about tolerance, civil rights, a little bit of slavery, but music also. But, yeah, with a black twist. So we're going to start with... three songs. Mm-hmm. The first one is actually it's an interview of Jamel Debbouze on La Tolérance. So it's 3 minutes and it's remixed by Palm Therapy and it's called Rich Eargasm. And the name of the track is La Tolérance. Then we're going to listen to Eddie Mitchell because he had a song about the Ku Klux Klan. That he was invited at a barbecue and things were fun until the hoods showed up because he didn't expect that. He was surprised. So he took off. Mm-hmm. That's the story of the song. I don't know if it's true. Maybe I'll check it out, but it's hard to verify this kind of thing. Mm-hmm. Is the song true or not? Who wrote it? Yep. Yannick Noah with... That was not the answer. No. Who wrote it? Then he said Yannick Noah. That's not the answer. No, that's the next song. Yannick Noah is going to sing Angela. Okay. About Angela Davis. Okay. On y va? C'est parti. C'est parti. Français, musulman, artiste. Je suis né à Barbès, j'ai grandi à Trappes, père de deux enfants, marié à une chrétienne, journaliste, très très belle. Et ça, pour moi, c'est la France. Agresser ou tuer parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, ça n'est pas pensable, ça n'existe pas, c'est pas possible. On peut manifester son mécontentement, on peut être pas d'accord et le revendiquer avec ferveur, mais on ne peut pas agresser, on ne peut pas insulter, on ne peut pas tuer, ça c'est pas possible. d'amour. On m'a écouté. J'ai eu affaire à des acteurs sociaux qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. La France a permis à mes parents de travailler, elle les a aidés quand ils en ont eu besoin. Et évidemment, pour tout ça, je remercie la France et je suis pleinement citoyen. Je défendrai la France corps et âme pour tout ce qu'elle a apporté à ma famille et à tous les gens qui comme nous, arrivions d'un pays et étions hagards face à cette nouvelle culture. On nous a accompagnés, on nous a écoutés, on nous a considérés, on nous a aimés. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu cette chance. Tous les gamins du quartier aujourd'hui n'ont pas cette chance. Show. Hey, Sticks, what's up? Good morning, boss. I got your book. Cool. We now go to City Hall where Angela Davis is speaking. We aren't going to put up with their nonsense, with their irrationality, with their murder any longer. We have to show them that they have every right to be afraid. Speaking live, that was Angela Davis on the steps of City Hall downtown. The weather in Harlem today will be in the high 60s with a chance of rain. L'Amérique est figée, un ange proteste, les écrous sont rouillés, I'm black and I'm proud, le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent, un soir à Mexico, le rêve martyrisé de Martin Luther King, une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine, panthère noire traquée. Le son d'intolérance, cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh Angela, Angela, my home is your home. À Chicago, les États qui s'unissent échangent de peau. Si le monde s'incline et nous parle de chance, ce soir, Angela, c'est à toi que je pense. Oh, Angela, Angela, my home is your home. Et voilà, we are back. It is 8:21 on Bonjour Minnesota on KFAI, and we just listened to three songs. We listened to Rich Eargasm with La Tolérance, original mix, and it was with Jamel Debbouze. Then Eddie Mitchell with Ku Klux Klan, and Yannick Noah with just now with Angela from his album Frontier from 2010. About Angela Davis. It's a special Black History Month, and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. So today, one of the things that I did, I don't know if you guys remember, but like maybe several months ago, maybe 6 months ago, someone contacted me and said, like, hey, you know, my mom passed, and I know she was on an interview at that date. Can I get it? Mm-hmm. And stuff like that. And I said, sure, and we looked, and the great people of KFI were mm-hmm. able to extract the show. And I just listened to it today. It was an hour with Karil and Olaf. Mm-hmm. And it was Louise et Jeanne. And that was really good. I mean, I know Louise's story because she was in Paris during the occupation, but I didn't know Jeanne's story. And so Jeanne passed, but her daughter wanted the recording, and I listened to the show. And it turned out that Jeanne was at the same school, same high school that Louise in Lycée Victor Hugo. They both married an American, moved to the U.S., had four kids and stuff. And I also learned that during the war, when Jeanne was 16, Louise, I think, was 17 or 18, she was held hostages by the German in Argenton-sur-Creuse, where my grandparents were living at the time, because my grandfather was often telling the story to my mom that when the Germans... SS went to Oradour-sur-Glane to kill the whole village. They drove past Argenton-sur-Creuse and they shot from the bridge and they shot my mom wasn't born, but their house was by the river and by the bridge, and they got some shots there, so like above the kitchen and stuff. But yeah, and Jeanne was held hostages for a couple of days, and they killed like 66 people in Argenton-sur-Creuse during that night. So she was the trip that was supposed to take a day to go from Paris to not to the south, middle of France, but a little bit further south, because Argenton-sur-Creuse is center, but she was going a little bit further south, and instead of being a day, she left on the D-Day, and it took 9 days, more than 9 days. And all the troops from the south, the German troops, were trying to rally the troops from the north, you know, to try to stop the D-Day. And so a lot of train people were being shot randomly like that because they were suspected to, you know, sabotage and help the enemy and stuff like that. So it was quite an impressive show. But Cool. It was interesting. So we're going to listen to more songs about Black History Month. This upcoming song is from Francesca Soleville, and it's Complainte pour Angela Davis. Then we're going to listen to Pierre Solos, which I played on close to MLK, but I didn't play this one. And this one is about Martin Luther King. It's very witty and interesting. And the third song is a song called C'est déjà vu, and Vague la vague, and it's by a band that covered it called Ohio, and it's an acoustic trio session, and it's different. I mean, C'est déjà ça, we know the song, but this one is also, they added some Middle Eastern instruments. Oh, okay, fun. So that's pretty cool. Yeah, let's check it out. Yeah, on y va. Bah, c'est parti. Chez nous, pour qui est noir, le mieux quand on le peut, c'est de faire semblant, de ne pas le savoir, c'est d'avoir si bon cœur, ou de faire semblant, que le bonheur des blancs suffit à notre honneur. Et quand je dis les blancs, c'est pour faire semblant, tous ne veulent pas être de la race des maîtres. Angela, Angela n'a pu faire semblant, elle a crié voilà contre les maîtres blancs. Les blancs. Angela est instruite comme bien peu de blancs. Et noire, elle est bien sûr fière comme les blancs. Elle a pris la défense de tous ses frères noirs. Et belle, elle a la chance que l'on aime la voir. On la voit, on l'écoute, qui dit ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il en coûte de défendre ses frères. Angela, Angela n'a pu faire semblant. Qu'elle est, c'est bien sûr qu'on la hait parmi les maîtres blancs. En prison, on la met et mensongèrement, non pour ce qu'elle dit, non pour ce qu'elle fait, mais pour la mort d'un blanc, d'un juge qui plus est. Mais Angela Davis n'est pour rien dans ce fait, elle agit autrement. Angela, Angela n'a pu faire semblant, elle a crié voilà contre les maîtres blancs. Elle a crié voilà. Elle unit tous les hommes dans le combat final contre le capital pour notre liberté. Angela, Angela, ils pouvaient la tuer ainsi qu'ils avaient fait pour Jackson, son ami. Nous avons répondu à l'appel d'Angela et la voilà sortie de sa prison de mort. Sois heureux d'Angela, de toi nous sommes fiers. Continue ton combat, nous veillerons sur toi. Les blancs. Il y avait du soleil, le temps était bon, il regardait le ciel depuis son balcon pour aller là-haut. Quel plus court chemin qu'une balle dans la peau, par un beau matin. Martin Luther King, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King. Mais au paradis, pour pouvoir entrer, le gardien lui dit: quel est ton métier? Je suis un pasteur. Mes brebis sont noires, y a-t-il des couleurs dans le ciel de gloire? Martin Luther King, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King, Martin, Martin Luther King. J'ai crié l'amour, j'ai voulu la paix, alors que toujours les mains se fermaient quand les poings tendus voulaient le combat. Je savais Jésus à côté de moi. Martin Luther King, Martin Luther King, Martin. Soit à genoux que dans la prière, mais vive debout pour que les loups blancs laissent mon troupeau. J'ai versé mon sang, paix sur mes agneaux. Saint-Pierre lui couvrit la porte des cieux, Martin le suivit et marcha vers Dieu. Puis il dit: Seigneur, si je reste ici, fais des jours meilleurs sur le Tennessee. Martin Luther King, Martin Luther King, fais des jours meilleurs sur le Tennessee. Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain, mon pays soudain se soulève. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette j'ai là-bas. Ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain, mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et je rêve que soudain, mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça, déjà. On te casse les dents. Pour vouloir le monde parler au Soudan, mon Soudan. Suis de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain, mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et je rêve que soudain, mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assise rue de Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est mon fil. Cool. Oh, et je rêve. Oh, rêver, c'est déjà ça. In these trying times, take 24 hours out of your life to have some fun. Do you remember fun? Well, 24 hours of fun can be had by all on Tuesday, March 4th, in honor of Twin Cities New Wave Day 2025, the fifth annual 24-hour New Wave Marathon, only on Fresh Air 2, the streaming side of KFAI, Fresh Air Community Radio. And we are back. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And it is 8:36. Yes, that's right, in Minneapolis. And we were listening to three songs. What did we listen to, Freddie? So we are still celebrating Black History Month. And the first song was from Francesca Soleville. It was like La Complainte pour Angela Davis. Then après ça, it was Pierre Sellos with Martin Luther King. And then Oyo with a reprise, a cover with C'est déjà ça. And it was an acoustic version. So Alain Souchon. Voilà. Yes. Originally from Alain Souchon. And we'll keep on going with the music. Okay. We'll talk a little bit about the events. Mardi Gras is coming up. Mm-hmm. And I'll talk about other stuff. Yeah. Anything to talk about? Not now. Not now. Okay. Miriam, no? Versailles? Yeah, Versailles. We can talk about it. I just started to post the pictures today. Oh, yeah. Of Versailles. I saw that. Because I do it day by day. But Instagram only allow me 20 pictures at one time. And it's better than it used to be because it used to be 10. Mm-hmm. So I do them by batches, and I took a lot of pictures of Versailles. I took less last time. I don't know why. It's fun to see pictures. Yeah, it is. Like it feels like you're traveling a little bit. Yeah, well, some people appreciate it. That gave them a taste of what's inside, you know, I mean. Oh, that too, for sure. Yeah. So we're going to keep on listening to music. We're going to listen to Enrico Macias. Enrico! And that's going to be his classic song that's well known called L'Oriental. Ah, L'Oriental. Yeah. And talking. Oui, Adrien. Oui. Il n'a pas pris ses médicaments. Non. He didn't take his drugs. No, whatever. Talking about L'Oriental, that makes me think of our friends from Paris Chanson. They'll be back. Yes. I don't remember the date right now. I do. It is the 29th of March. March. I won't be in town. Oh, that's too bad. I know. That's going to be busy. I think it's the day after Karen Palace. Yes. Oh, and I nice. Won't be in town either. And there's going to be Alcest. That's on the 17th. Yeah. Mm-hmm. And there's Justice who's coming to town. Yes. When? Do you remember? I think it's in May. May? Wow, yeah. a lot of French bands. Yeah, so Justice, Caravan Palace, and Armory for Justice. Mm-hmm. That's big. Yeah, that's big. Justice is huge. Yeah. Plus, I'd like to go see Franz Ferdinand, but that's early April, and I'm seeing Franz Ferdinand. You know, he's married the lead singer. You know, he's married to Clara Luciani. Yeah, you mentioned that. Yeah. He's Scottish. Maybe he's Scottish. They are from Glasgow. Yeah. Not Clara Luciani. No. But, Corsican. I saw them, like, I think it was 2021, when maybe? You, they've been around August. Forever. Yeah, that's when I got COVID. Yeah. I remember listening to them, like, what was it, like 15, 20 years ago? Yeah. They've been around forever. Yeah, he's not that young. I know them from their first album, and I was in Glasgow that year. It was in 1999. And I didn't see them in Glasgow, but I remember they were from there. That was their first album and stuff. Mm-hmm. And they are really good. Very cool. It's a very cool band. So I'm pretty excited about it. And I thought you were talking about the Archduke, François Ferdinand. No, I was talking about the Scottish band. Yeah. That's awesome. Okay, so I was thinking, well, that's not the... The Archduke was not... He's not from Glasgow. No. And Nick Cave is either the next day or the day before. I think it's the next day, actually. So, that I have tickets for. So that's easy. A sure thing. Yeah. So what else are we listening to? Because Enrico got us on a bit of And L'Oriental. L'Oriental is featuring Khaled. Oh, nice. So it's a studio version, but... So Enrico and Khaled. Then Daniel Balavoine with Laziza. From the album Sauver l'amour from 1985, and Grégoire with Soleil. Parfait. And it's a song about tolerance and things like that. So, okay. All right, on y va. C'est parti. Mon cœur s'attache et mon cœur joue à cache-cache. Et l'on m'appelle l'Oriental, l'Oriental, l'Oriental. Et moi je suis sentimental. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et l'on m'appelle, l'Oriental, l'Oriental. Et moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Oriental. Même quand on n'a pas un dollar, en chantant nous oublie notre cafard. On nous surnomme l'Oriental, car nous on est sentimental. Et on m'appelle l'Oriental, en moi je suis sentimental. Aïe, aïe, aïe. Pourtant je ne fais pas de

n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais leur mélange ont fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants. Et tous issus d'un métissage, devenus fous mais nés si sages. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète, qui nous supplie d'être moins bêtes. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Humains avec nos différences et le pouvoir d'en faire une chance. Car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore? Car on a tous la même planète, qui nous supplie d'être moins bêtes. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil. KFAI presents the Mae Simpson Band, March 1st at the Dakota. Mae Simpson grew up in South Carolina, listening to her mother's Patsy Cline and Tina Turner records. Now based in Minneapolis, her band reflects the influences of these two legendary singers. Mae Simpson's vocals, supported by a tight horn and rhythm section, creates a strong connection between the musicians and the audience. The Mae Simpson Band, 7 p.m. March 1st at the Dakota. For more information, go to dakotacooks.com. Join KFAI in welcoming Elin Jewell to the Parkway Theater on Wednesday, March 5th. It is said that if Nico Case, Madeline Peru, and Billie Holiday had a baby girl who grew up to front a rockabilly band, she'd probably sound like Elin Jewell. Jewell's ninth album, Get Behind the Wheel, is a gem, with songs that journey from unguarded intimacy to icy cool and back again. Get Behind the Wheel with Elin Jewell at the Parkway. Go to theparkwaytheater.com for tickets and more details. Here we go. Now the second announcement is over. Now we can talk. Now we can talk over it. So we listened to three more songs. And you're still on KFAI, on Bonjour Minnesota. Yeah. And we're celebrating Black History Month. And we just played three songs. Oui. Mm-hmm. So the first one was from Enrico Macias, L'Oriental, with Khaled. And after that, it was Daniel Balavoine with La Ziza. And the last one was Grégoire with Soleil, or Sun, talking about tolerance. And that was pretty nice. I liked it. Indeed. Nice. Indeed. So we're going to keep on going with keep songs. On going on. Around 9-ish, we'll talk about the various events. We don't have everything listed on Facebook because some of the events are not, like we were talking about Justice, for example. And as far as I know, they don't have a Facebook event yet. Mm-hmm. But I think Paris Chanson has one, so if I need to find it and put it there. So we're going to listen to three more songs. We might be interrupted by the 9 o'clock announcement, but we're going to listen to Olivia Ruiz. And she's singing Lily, which is originally a song from Pierre Perret. And it's featuring Fefe, who's a rapper. And Lily is a song about an immigrant who's from the Somali and go to France and run into a lot of unpleasant things. Mm-hmm. So that's one of the things. Supreme NTM with Blanc et Noir. Mm-hmm. And then Sheila with Blanc, Jaune, Rouge, Noir. Hmm. C'est tout. Okay. Yeah. Blanc, Jaune, Rouge, Noir is the name of the song. Okay, because they levé la voix. All the colors. Ah, okay. Yes. All right, on y va? Eh bien, on y va. C'est parti. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider leur poubelle à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. L'hôtelier russe crétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a des charges et des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau piqueur. Quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima vos blonds frisés, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit nous, sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit « Viens, ma petite sœur, en s'unissant, on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. » Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poids rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Blanc, je suis noir. La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards. Différence ethnique, alliance de culture. Voilà les raisons de notre progression, c'est sûr. J'ai l'esprit clairvoyant et les yeux bien ouverts, car j'aspire, j'espère. Mais qu'avoir à faire taire dans l'instant tous les soi-disant prophètes, les propagateurs adulateurs d'une race parfaite. C'est clair et net, la démonstration est faite. 10% pour le fait, nos élections c'est une défaite. En fait, prends ça dans ta face, quelle que soit ta race. Blanc et noir, noir et jaune, jaune et rouge, rouge, rouge, beurre. Je m'adresse à la jeunesse, celle qui se dresse sans cesse sans faire l'icône face au dictateur dont l'empreinte reste une offense. Pour ce monde qui avance, je suis blanc, il est noir, c'est une leçon pour l'histoire. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Ok, chaîne, je reprends pour faire monter la tranche. J'augmente les volumes et là tout son gros fait ma peau, mon cerveau fume, j'ouvre les yeux. Les faussaires sont partout. Oui, ces individus qui crachent en sur le pen et entretiennent le même style de haine. Du genre complètement manipulé par des pseudo-suppos de prophètes. Que des cadrages certains, mais maltraitant le bâtard. Qui se dit blanc, qui se dit beurre, qui se dit noir. NTM et l'impact, sans aucun sens ou taxe. Sur les joueurs de toute attaque, des ennemis de la liberté. Fils de pute qui réfutait ce but dans les préjugés dépassés. Pompéda, pompéda. Ankylosés par les années, quand un opère endoctriné par leurs aînés sont déjà prêts à assurer la relève. Donc une seconde attention. Car préalablement, toujours sans faux semblant, la société nous tire à ses bas de l'avant. Je suis renoncé, c'est un brave vent. Et pourtant, dans nos veines coule le même sang. Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Farrakhan ou Le Pen, même combat pour la haine, je dis stop. C'en est trop, go! Attention, danger, ne laisse pas véhiculer dans ton esprit leurs idées, leurs paroles, leur volonté, leur notion d'attarder. Paladis, policier, ta raison n'a pas de sens. Je suis blanc, il est noir, alors prends ça comme une offense. Car en France, le problème n'a pas lieu d'exister. Les États-Unis ne sont pas toujours bons à copier. Multiracial est notre société. Bon, alors bougeons ensemble et créons l'unité. Car depuis longtemps, trop longtemps, oui, depuis trop longtemps, depuis que le monde est monde, la couleur est une frontière. Une barrière, c'est clair, je déclare la guerre à la terre entière d'un revers autoritaire. Je balaye, je combat. Plus un après l'autre, j'abat. Oh. Le Front National, les skins, la partie de le ghetto. Oh, oh. Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Parallèlement, je te démontre que quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nature, aucune race n'est supérieure car il n'y a pas de couleur pour être un cartonneur. Asphyxiant le préjugé car toute connerie a ses limites. L'indulgence, je m'en dispense. Toutes ces conneries dérisoires, comment peux-tu y croire? De quel droit peux-tu penser que cette chose dans laquelle tu te tiens on diffère? Car sans comprendre, sans apprendre, tout enfonce. Et je n'ai même pas pitié de toi car alors je te parle. Prends-tu seulement conscience de mes mots? Je suis blanc et noir, c'est une leçon pour l'histoire. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota, and you can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Voilà. Sur les hauteurs du Rio de Janeiro, océan de glace des banquises. Les chasseurs tuent les derniers caribous. Au bord du Gange, les pèlerins s'unissent et vont pieds nus prier à Katmandou. Voilà, we're back. We listened to a few songs, and I'm gonna have to say that I'm gonna go. You're gonna go after this. You can't. As long as the mic is open, you can't. So we're gonna keep on talking and talking Yes, keep on going. Yeah. What did we listen to, Freddie? We listened to Olivia Ruiz. It was a live version of Lily featuring Fefe, and it's originally by Pierre Perret, the song. Mm-hmm. Then Supreme Anthem with Blanc et Noir. And from their album Authentique, and Sheila just now with Blanc, Jaune, Rouge, Noir, and ils ont tous des rêves, and blah, blah, blah, comme tout le monde. And that was pretty good. Mm-hmm. I liked it. I didn't know that song from Sheila and stuff. I didn't ask you last week, how did it go? It went great, thank you. I didn't even listen to the show. It went just fine, we survived. Yeah, no technical Leave it issues. On us. No. And a great Balkan Jamboree after. Yeah. So, yeah. It was good. That's good when there's a good show after that, too. We survived. Yes. All right. Well, we're going to listen to more songs as we say goodbye to Adrian. Au revoir, les copains. Au revoir. Peut-être à la semaine prochaine. Oui. À bientôt. Next week will be March. So, I might do like a... Because it's usually... Carnaval. This Carnaval. It is Carnaval. There's the Mois de la Francophonie, but I have nothing ready. And plus, isn't like Laos? Mm-hmm. Yeah. Yeah, I mean, yeah. Like... The Southeast Asia. I mean, like... We don't have a lot of... Music in French or from that side of the country, the world. So I have a friend from Laos. I could ask if there is any French songs, or French lyrics, or Laos a mix. Descent. That would be fun. Artists from Laos descent would be nice too. Mm-hmm. And so we're gonna listen to three songs now. We're gonna listen to Gims with Côté Noir, and it's featuring Leto, and then Nino Ferrer with Je veux être noir. Mm-hmm. I wanna be black. And Claude Nougaro with Armstrong. Armstrong, jeune. Yep. Great songs. Au revoir, les copains. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Zou, bisous. 2020. Le 7-5 reprend ce qui lui est dû de droit. Capitaine. Les rues sombres de Berlin, la misère, les terrains de Zipette qui débitent. Peut-être que comme Tupac et Biggie, je vais perdre la vie dans ma putain de cova. Quand on arrive, si nous convoient, t'es mal au convoi, les racaillons trop fins. J'ai la parole d'Alanister et le courage de Jon Snow. On les éteint, ils reviendront jamais. J'en attaque comme Luis Suarez. Audemars, Rolex, Kelvin. On ramasse, on progresse, tu régresses, dommage. On résout l'équation, on veut des vivres et des femmes à foison. J'allume ta grand-mère, tu vas rejoindre Satan. C'est le 1-7 en pétard, c'est embêtant, l'œil des autres est puissant. Vodka Red Bull, c'est le poison. Tellement de haine, de peine, de douleur. Tellement de zèle, ma plaie se referme. J'y vais de pied ferme, rempli d'ambition. Que Dieu nous sépare si t'es bizarre. J'ai mes poches pleines d'oseille dans le pantalon. Amiri. Club de Mouno, Konayo, c'est tout ce que tu mérites, tu mérites, tu mérites. Je réponds que par des victoires pour les ennemis. LTO, W-A-R-A-N-O, élimine, élimine. C'est les côtés noirs de Berry. Noir, noir, noir, noir, noir. C'est les côtés noirs de Berry. Noir, noir, noir, noir, noir. Elle était O-W-A-R-A-N-O, élimine, élimine. C'est les côtés noirs de Berry. Je suis attendu comme le refrain. J'arrive à pied comme un putain de riverain. Pris le ciel pour qu'il t'arrive rien. M'attraque les crânes comme TF1. Ton taf de merde, ça mérite un. Bien vu le bon samaritain. Pour la concu, chaud petit soin. Tchip, tchip, tchip, sous le coussin. Je sais qui tire les ficelles. J'en ai trop vu, ils vont me faire et tu le sais. Ouais, tu le sais, hein. Mais pas avant d'avoir élucidé les pyramides de Gizeh. Je dors mais je trouve pas le repos. Je soigne mes plaies à la Rambo. Cheval noir Alejandro. Audemars, Piguet, Rimbaud. Le Yankee revient toujours. Obligé de charger la Peugeot. Ça va pas le faire. Comme un 6 gros sous les projos. T'es dans la chambre, il est trop tard. Obligé de retirer tes sables. Et j'arrive en silence. Comme la dernière Tesla. J'ai fait tomber quelques principes. Quelqu'un les a ramassés. Ce monde est sans pitié. Car même le nain doit se baisser. Pour tuer le vampire, ouvre les rideaux. Belles et putes dans le rétro. C'est la crise comme un rectum. La fin du monde dans un rectangle. Selon la ménagère, le projet va marcher. Déposez toutes vos armes, je veux pas tout gâcher. Je suis du côté passager, le doigt sur la gâchette. Mon gars, BLG, Darko, Bayashi. J'ai les poches pleines d'oseilles dans le pantalon. Amiri, Amiri, Amiri. Club d'Amuno, Konayo, c'est tout ce que tu mérites, tu mérites, tu mérites. Je réponds que par des victoires pour les ennemis, ennemis, ennemis. L-E-T-O-W-A-R-A-N-O, élimine, élimine. C'est les côtés noirs de Berry. Monsieur James Brown, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, hey, hey, hey, dis-moi comment le blanc faut pour vendre le nègre à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Les élus, et hey, hey, vous les simples d'esprit, vous qui chantez tout de blanc vêtu dans les verts pâturages près de lui, dites-moi.

Et voilà, Claude Nougaro, the last one. It is 9:19. Yeah, I think your mic was... Do you want to try the mic number two? Your mic was having issues. And no, move away the mic number one, though. And blah, blah, blah. No, I don't think it was working fine. Okay, I don't know. I'll listen to the show again, but... Well, thank you very much. So you were cutting me off, basically. Well, you gave me the wrong one. If I had known you had something interesting to say, you know, like some compliment about me or things like that, I would have changed, Mike. But No. And you were kind of close to Adrian, so I could kind of hear the from Mike one. So, well, it works fine now. Okay, yeah. All right. So what did we listen to? So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. It's Freddie and Romain, exactly, and Adrian was there earlier and he had to go. We just listened to Gims with Côté Noir, and then Nino Ferrer with Je veux être noir, he wants to be black, and Claude Nougaro with Armstrong, and he also envies like black musicians because he loves the blues and the jazz. And we're going to keep all night talking about, I mean, playing some song. Not all night, actually, because we got to go home. Mm-hmm. We have a day job. At least I do. Merci. Well, I don't know how much you get. I teach all day Wednesday. Oh. So. I mean, all day. All right. Well, at 10 o'clock, Nikolai is going to kick us out anyway. And we're going to keep going, celebrating Black History Month. And it's going to be very nice. So we just did that the hour before. So if you missed some of it, you can always go to the archive. Otherwise, you search us on the web at where all the shows are stored on archive.org. Or you can go to bonjourminnesota.com, where we have a link to the previous shows. And the link are linked to the archive.org. So there's no time limit on that. Yep. On the KFI website, you can go at kfi.org, but after 2 weeks, it rotates. Yes. We're going to listen to Thierry Pastor from the 80s. Oh. Yeah, Sur des Musiques Noires. Wow, ah oui. Yeah, ah, he super. Did a lot of things on under like black music, and he's citing a lot of black artists. Then we're going to go back to Chris Combet with Les Enfants de Gorée, you know, about slavery. Because Gorée is in Africa. It's in Senegal, right? Gorée? I think so. I think so, too. And Kamini, but not with his main song, Garvey Beaumont, with Je suis blanc. Oui. So he says, like, he's becoming white. So he no longer knows how to dance. He's not being stopped by the cops and stuff like that. So, all right, on y va. Eh bien, c'est parti. Sur des musiques noires, nous on a commencé notre histoire. Sur un air de Marvin Gaye, je lui ai dit que je l'aimais. Sur des musiques noires, elle est devenue comme un miroir. T'en es jamais le même quand j'ai tous les nos amours d'adolescents. tu sois de Guyane, de Guadeloupe ou de Martinique, les bateaux négriers qui sont partis des côtes d'Afrique ont déporté en Amérique ou jeté dans l'Atlantique les mêmes racines de ton histoire tragique. Embarqué du Congo, de Guinée ou du Sénégal, du Ghana, du Bénin et d'autres terres du littoral, ces hommes et femmes à fond de cale, arrachés à leur terre natale, sont les toutes premières pages de ton journal. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme, boit des peines que l'on enchaîne. Oui. À la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines. Oui. Je laisse aller ma peine et comme sur un requiem, je chante sans haine. De pacotilles dessinent sur les flots entre comptoir et monde nouveau, chargé d'esclaves ou d'indigo, le grand triangle de leur Eldorado. Et ces nations soumises à ce système que l'Église autorise, ces hommes et marchandises qu'on brutalise et qu'on épuise, ces peuples que la guerre divise et ces terres que l'on déshumanise. Aujourd'hui, l'Afrique qui s'enlise. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme, boit des peines que l'on enchaîne. Oui. À la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines. Oui. Je laisse aller ma peine et comme sur un requiem, je chante sans haine. On vient de Corée, Mbadet, aussi. On vient de Corée, Aïname, quand Agamé, on est enfant Agamé, d'ici. Aïname, enfant d'ici. Si je suis d'ici, Aïname, je suis. Même si nos cœurs souffrent et saignent en silence, du bruit que fait encore l'écho de leurs cris de souffrance, loin d'être à travers de la violence, faisons que jusqu'à l'évidence, créole rime toujours avec amour. On vient de Gorée. Si je suis d'ici, je suis enfant de Gorée. Je vous raconte tout ça. Tout depuis le début, quoi. Mmh. C'était pourtant une journée qui démarrait normalement. Je me suis réveillé super tard, donc pour l'instant, pas de changement. Soudain dans le ciel, un coup de tonnerre. Puis je vis une lumière, les nuages se dégagèrent, le vent souffla. Tremble la terre. Je suis un chevalier de bronze à cause de ça. Je suis dans la mouise, j'espère que c'est pas le Seigneur, m'appelle Seigneur, moi, pas Moïse. Eh ben si, c'était lui et le Seigneur. Il m'a dit qu'à midi, tu seras blanc pendant 9 semaines et demie. Oh là, ouais, hein. Blanc comment? Bien sûr Dieu s'amuse avant de répondre. Il laissa un blanc semblant de rien. Je tente de m'enfuir. Je me mets à courir, mais il était déjà trop tard. Je vis mon épiderme blanchir. Alors j'étais blanc de partout. Il a fait gaffe même aux détails. J'ai vérifié ma louloute. J'ai honte. Je vous dirai pas la taille. Et pourquoi tu m'as fait ça? Franchement je le méritais pas. Mais que Jackson, tu le connais pas. Ça fait 30 ans qu'il attend que ça. Argent, logement, les flics, les gens. Comme un changement depuis je suis blanc. Argent, logement, les flics, les gens. Comme un changement depuis je suis blanc. Depuis que je suis blanc, il faut voir tout ce qui m'arrive. Avant les flics qui me poursuivaient, là j'ai l'impression qu'ils m'esquivent. Je te jure un truc de fou, les mecs ils viennent plus me contrôler. À la fin ça me manquait tellement, j'étais obligé de les supplier. Un jour je leur ai dit, hey, j'ai du shit quand même les mecs, hein. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Eh hey, vous êtes un marrant vous monsieur, on vous aurait pas cru à la vieille. Un autre truc en boîte, et ben je sais plus danser. Et pourquoi je me plaindrais, il me fait pur fouler à l'entrée. Fini la bouffe africaine, le pont de le faux fou moi. Maintenant si ça va de niçoise, j'ai mon cul cuit à l'auvergnat. En plus ma voix elle est comme ça. Ah non mais je te jure, je déconne pas, l'autre jour j'avais mon père au téléphone, le mec il me connaissait pas. Eh, mais qui fait des blagues là? Mais Camille va pas comme ça. Imbécile, je travaille moi. Maintenant quand je suis surpris, moi je fais plus eh. Maintenant je sors des phrases du style, voilà, sans déconner, c'est vrai. Argent, logement, les flics, les gens. Commun, changement, depuis, je suis blanc. Argent, logement, les flics, les gens. Commun, changement, depuis, je suis blanc. Argent, je te jure, la vie n'est plus pareille. Les flics, j'ai même chopé un coup de soleil. Commun, maintenant quand je vais au magasin, depuis, t'as plus le visage qui me regarde de loin. Argent, je te jure, la vie n'est plus pareille. Les flics, j'ai même changé un coup de soleil. Comme un maintenant je vais au magasin. Depuis t'as plus le vigile qui me garde de loin. Je crois que vous allez rester avec nous. Ah non, mais c'est pas des conneries, hein. Oh! Ah non, mais c'est pas des conneries, hein. Non, mais vous déconnez, là, oh! Hé! Hey, vous faites une erreur, là! Shake off those winter blues with bluegrass and Pertnir Sandstone's annual Winter String Band Gathering. Friday, December 28th and Saturday, March 1st, the Turf Club is hosting the 14th annual Blues Extravaganza. Local legends Pertnir Sandstone will welcome Dig Deep and Katie Belleville on Friday at the Downstairs Clown Lounge, while Saturday's show includes Bronwyn Keith Hines and Feeding Leroy. Tickets for Pertnir Sandstone's Winter String Band Gathering can be found at the Turf Club website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, it is 9:35, and you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI with Freddy. And Romain. C'est moi. And we just listened to three more songs, and right after this, we're going to talk about the events. Yes, we listened to Thierry Pasteur, and we find out that it was, what, 1982? That was in 1982, and he was 22 when he wrote that song. Yeah. Sur des musiques noires was the name of the song. Then Chris Combet with Les Enfants de Gorée. And then Camini with Je suis blanc, I'm white. Good selection. Yeah, thank you. And now we're going to talk a little bit about the events. So on the 27th, Thursday, so this coming Thursday, there's going to be the O Factor, a performance for the Plastic Free Challenge. And it's going to be at the Alliance Française. And it's going to be between 6 and 8 p.m. And the Alliance Française is at 22 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. And it's the analog dance works. Analog dance works. We'll wrap up at Hennepin County Plastic Free Challenge by presenting a reprise performance of the All Factors, a contemporary dance production of a horror dream landscape on a plastic island that premiere on May 2024. And so you can get more information at afmsp.org, or you can get some tickets on the Facebook page, either of the Alliance or our Facebook page, because the event is listed. Friday the 28th at 7:30, dance with Dan Newton's Café Accordéon Orchestra. And it's going to be, the event is going to be at the Celtic Junction Art Center. So they're located at 836 Prior Avenue North in St. Paul. So if you want more information, go to CelticJunction.org. And I don't know if there's a cost, but it's a great venue. There's advanced tickets that reduce the cost, but the cost is really not very high. And yeah, you can find more information on our Facebook page. Très bien. And Saturday morning from 9:30 to 11:30, there's going to be the petit déj at the Alliance Française. So 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And it's a French conversation group. There's coffee and treats. There's also a coffee shop if you want something different than coffee. Mm-hmm. If you want a specialty coffee, you name it. It's very casual. So we'll see. But there's another event also on Saturday. It's Chloe's 18th birthday. Ah. Mm-hmm. But it's not a public event. No. No. But also Saturday at 7:30, there's going to be Mardi Gras party at the Eagles. Mm-hmm. And it's going to be with the New Riverside Ramblers and Eagle 34 Cajun Music and Dance and Eric Morin. The Eagle are located, Eagle 34 are located 2507 East 25th Street in Minneapolis, Minnesota. And music and dance starting at 7:30 up to roughly 10:30. There's a small cost. Costume encouraged, but not required. And there's also going to be Ernie Madsen. It's going to be in the Ernie Madsen Ballroom. So it's a small separate room from the Eagle. So if you don't want to hear about the karaoke, you don't have to. And that should be good. But it's Saturday, March 1st. On Sunday, March 2nd, from between 2 and 3:30, Petit Café Rochester. And it's going to be in Rochester at 1811 2nd Street Southwest. Is it Café Aki? Café Aki, exactly. Cool spot. Right. So if you want more specific, you can also go to afmsp.org. It's a regular conversation group, and it's every first Sunday of the month. And last events we're going to talk about is going to be Thursday, March 6th. So not this week, but the week after. It's going to be at the Crooner Supper Club, 6161 Highway 65 Northeast. Mm-hmm. And it's La Vie en Rose, the Edith Piaf songbook. So there are tickets for it. I recommend that you go online or on the Facebook page. There's dinner and drink starts an hour before the showtime, and it's going to be a beautiful French cabaret. Enjoy the songs of Edith Piaf along with some hot club swings and Parisian musette, featuring accordion, guitar, bass, and vocals. There's going to be Diane Jarvi, Dan Newton at the accordion, Eric Listerol at bass, and Mike Kramer at the guitar. Mm-hmm. All right. Très bien. I think that's it for now. So feel free to go on our Facebook page, because the events are all listed. And we'll add more as they come up, like Paris Chanson, like Justice, like, you know, Caravan Palace. So if we can get tickets for our listeners, that would be nice. We will. Mm-hmm. We will be able to have tickets for the Dakota for the previous show. Mm-hmm. Yeah. And we might be able to get some more for what's upcoming. Cool. We're going to listen to Joël Ursule. Ah oui. With White and Black Blues. Yeah, by Serge Gainsbourg. Yeah, the song was from Serge Gainsbourg, and he did well at the Eurovision. Yeah. I think he was number 2 or something like that. Mm-hmm. Then we're going to listen to Mort Schumann with Le Nègre Blanc. Mm-hmm. And Mike Brandt with L'Oiseau Noir et L'Oiseau Blanc. One thing that was funny is when I was in Paris and my mom was watching TV, in two occasions, one was a TV show, I think it was the equivalent of Dance with the Stars. Mm-hmm. And Nelson Montfort? No, there was not Nelson Montfort. Yeah. And the other one was like a political, not debate, but like every night on some news, they have like some mm-hmm. political, you know. Discussions. Yeah. And in couple of occasions, in one of each, there was like someone from Quebec. Oh. And I could tell right away they were from Quebec, you know. I mean, it was pretty faint. Mm-hmm. The accent was pretty faint. You can't say, like, oh, they have an accent. But no, I was able to pinpoint it like pretty fast. Mm-hmm. That was funny. All right, on y va. Eh ben, on y va. C'est parti. Which Black Minnesotan created an organization to improve the literacy of Black children through African American cultural programming? Titi Lyo Bidiako started We Win Institute over 25 years ago in an effort to better serve young people. Since then, We Win offers year-round programs that provide academic and social support that utilize a multicultural and Afrocentric approach to education and academic success. The pedagogical approach of We Win supplements an academic program with classes and activities on African and African American history, culture, and traditions, community service, and adult mentors from the community. We Win currently maintains a community reading room at Zion Church, where intergenerational groups gather to share and learn by reading books by Black authors. For the most up-to-date information on We Win Institute, follow them on Facebook. 29 Days of Blackness, Minnesota Herstory. Friday, March 7th, the Cedar Cultural Center hosts a book launch party with the accent on the party. KFEI's own Jojo Nege, host of African Rhythms, celebrates the release of his book, Rumba Evolution, with an all-star African music review, including Youssef Chalita, Banda Son, Innocent Galoma, and Ditote. Come for the book, stay for the music. Tickets for the Rumba Evolution book launch and Sue Coos party can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. L'oiseau noir et l'oiseau blanc au ciel vivaient en paix. Il ne faut jamais semblant de vivre en liberté. Je vendais des petits couplets avec comme ma maîtresse guitare des femmes à sa vie. des adultes. Je suis resté presque 5 ans avec une femme, une mère, un tout. Mais pendant son enterrement, j'étais tout seul à ses genoux. Je m'enfermais dans un tripot pour écrire ce que vous chantez. J'étais devenu le héros d'un pays que j'ai. Ici, je commence ma vie. Il paraît que j'ai du talent. Je vis dans les boîtes de nuit. Je suis le seul nègre élégant. Voilà. Voilà, voilà. So you're still listening to Bonjour Minnesota. It is 9:55 and we are actually going to say good night. Bonsoir. We will indeed. And we'll be in the studio next week. Yes. Fidèle au poste. Yes. And in the meantime, what did we listen to? We listened to 3 songs. Joël Ursule with White and Black Blues. Then Mike Brandt with L'Oiseau Noir et L'Oiseau Blanc. And then just now, Mort Schumann with The Nègre Blanc. Mm-hmm. And we're going to finish so this night with one more song, because after Nicolas is going to come fairly soon for Balkan Jamboree with Bernard Lavillier with Noir et Blanc. And it's a song that he already did before, but this one is from an album called Metamorphose, and it was orchestrated very differently. So, Noir et Blanc, and that's going to conclude our night of celebrating Black History Month. And we're going to have probably like a playlist about women in March, mm-hmm. and plus maybe some about Mardi Gras with a little bit of Creole. Mm-hmm. We'll see. We'll see what comes our play. We have a lot of new songs too. Yes. So that's pretty good. Okay, bah la semaine prochaine, Freddy. Au revoir. Au revoir. C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais. Il y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants et pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Y a du sang sur mon piano, y a des bottes sur mon tempo.